22-30, activation orale, passé composé, auxiliaire être. Répondez selon exemple. Vous entendez. 1. Vous n'étiez pas chez vous hier soir. Et vous dites. Non, hier nous sommes sortis. Nous sommes allés au cinéma. Allons-y. 2. Tu n'étais pas chez toi hier soir. Non. Hier, je suis sorti. Je suis allé au cinéma. 3. Robert n'était pas chez lui hier soir. Non. Hier, il est sorti. Il est allé au cinéma. 4. Ah, vous n'étiez pas chez vous hier soir tous les deux. Ah non. Hier, nous sommes sortis. Nous sommes allés au cinéma. 5. Colette et Mireille n'étaient pas chez elles hier soir. Non, elles sont sorties. Elles sont allées au cinéma. 6. Ils n'étaient pas chez eux hier soir. Non. Ils sont sortis. Ils sont allés au cinéma.